dans Hiawas, le Tewachurkatat, mon Ségur. Enfant de la terre. Arraché au sein de ta mère, ton nid s'est détruit par le feu de la haine. Enfant mal aimé, enfant de la terre, ignore le mal qui t'enchaîne. Issu d'une famille entière, là où le tonnerre se fait entendre, tu ne comptes plus tes sœurs ni tes frères, car la planète est à vendre. Enfant mal aimé, enfant de la terre, quitte tes habits malheureux, ouvre tes horizons sans frontières, fais que ton cœur soit plus soyeux. Tu es le fruit d'un amour impossible. Tu grandis sans savoir ce que tu veux. Devant la passion, tu restes impassible, car ton cœur est devenu ténébreux. Enfant mal aimé, enfant de la terre, souviens-toi de ceux qui ont marché des jours et des nuits entières pour t'aider à trouver la vérité. Ta confiance est envolée comme l'aigle qui était notre messager d'espoir. Tu as laissé ton amour comme la grêle sur le lac gelé qui me sert de miroir. Qui me sert de miroir. Tu es une vague sur l'océan. Aucun secret ne torture ton esprit. Tu es une larme sur une joue devant l'amour qui t'envahit. Enfant mal aimé, enfant de la terre, n'oublie jamais tes grands-pères, n'oublie jamais tes grands-mères qui ont mis de côté leur misère. N'oublie pas qu'à travers eux, tu verras le courage de continuer, malgré l'avenir qui s'annonce orageux. Il te faudra être debout et fier. Tu devras faire force de ton esprit si tu veux combattre l'univers, car sans cela, tu seras toujours un enfant mal aimé, enfant de la terre.